Tamado m'a dit, ne venez pas mardi, car il y a mon mari qui revient mercredi. Venez donc vendredi, mais alors moi je dis, je viendrai si samedi, dimanche. Madame Mado, c'est ma voisine et la copine de ma cousine. Elle turbine dans la même usine, elles font des couteaux de cuisine. Ah, mange de corne. À propos de corne, ma voisine a un mari qui ne lésine pas sur ses dépenses de benzine. Il a une grosse limousine et un bicorne. Madame Mado m'a dit, ne venez pas mardi, car il y a mon mari qui revient mercredi. Venez donc vendredi, mais alors moi je dis, je viendrai si samedi, dimanche. Madame Mado, elle me fascine avec ses œillades d'assassin et ses deux seins qui se dessinent sous son maillot à la piscine. J'en perds le nom. Elle voudrait bien que j'assassine son vieux mari qui s'enracine, pendant que moi je me calcine d'amour pour elle sous la glycine. Et j'ai bien tort. Madame Mado m'a dit, ne venez pas mardi, car il y a mon mari qui revient mercredi. Venez donc vendredi, mais alors moi je dis, je viendrai si samedi, dimanche. De pelle à gâteau.